par cet récit, je dévore l'espace avec frénésie. Ne pas oublier la poésie. Attention, si je m'extasie, Xéno, revenez-y. Amnésie comme une déception de mes rêves en recomposition, dévoilée en réapparition, je décompose avec suspicion. Ne pas oublier l'exposition. Attention, je suis en scission. Xéno, déperdition. Amnésie comme une incohérence au bord de la grande indifférence. Apeuré par cette transparence, j'y retourne avec irrévérence. Ne pas oublier la référence. Attention, je suis en errance. Xéno, pas d'ingérence. Amnésie comme une incertitude de mes états de plénitude. Abreuvé par cette multitude, je déclame mon inexactitude. Ne pas oublier la lamentude. Attention, je suis une multitude. Xéno, inertitude.